issu d'une jeunesse qui me choque. Attiré par le crime, genre si je me flingue en live, combien de screenshots? Dans la vie t'as pas de femme, mais t'en as sur les plateformes. T'as beau faire des milliers de selfies, tu peux pas te voir. Tu sens ton cœur battre fort. Des soucis de cœur, le virtuel ne suscite que des suicides, girl. Tu feras du buzz si tu suces une. C'est chum comme une jeune fille avec un type qu'à l'âge de son père. Trop de jeunes mutants avec des ganaches de centenaires. C'est drôle avant le crash, les drones cachent l'astre solaire. Mais au jugement dernier, est-ce que les calages te sauvèrent? Souffrir au point de presque douter du ciel. Mais la foi c'est tout ce qui te reste quand tout est usé. Le passé fut turbulent et nous réserve un futur brûlant. Envers les clones il me reste de l'animosité et mon esprit baisse la luminosité. Certains sont gênés que je puisse croire. Soit tu pisses droit, soit je te renvoie au premier mot de la piste. 3 clics droit, supprimer, nique-toi, je suis premier. DJ, photographe, journaliste, modèle. À croire ta bio, tu te réserves un parfait avenir. Graphiste, mannequin, artiste, blogueuse, actrice, menteuse. T'as jamais t'as fait ta vie. DJ, photographe, journaliste, modèle. À croire ta bio, tu te réserves un parfait avenir. Graphiste, mannequin, artiste, blogueuse, actrice, menteuse. T'as jamais t'as fait ta vie. Chirurgie virtuelle, aucune photo sans modification. Montre-nous tes jambes, t'auras plus de 100 notifications. Faut que tes squats soient taffés, faut que tous les moments avec ton squat soient parfaits. Moitié femme, moitié machine. Si tu suis pas la mode, ils diront que tu es moins chic. Je me sens renois, juif, blanc, rebeu et noichi. Jamais je ne choisirai la couleur du emoji. Tellement de controverses contrefaites. Tellement de CTRL-C, CTRL-V. Le miroir élabore un moratoire. Tu crois être un homme rare, toi t'es un énorme rat de laboratoire. Conformera fermement, conformément à leur morale. Et qu'on enfermera dans un mouroir, où est la mouroir? DJ, photographe, journaliste, modèle. À croire ta bio, tu te réserves un parfait avenir. Graphiste, mannequin, artiste, blogueuse, actrice, menteuse. T'as jamais t'as fait ta vie. DJ, photographe, journaliste, modèle. À croire ta bio, tu te réserves un parfait avenir. Graphiste, mannequin, artiste, blogueuse, actrice, menteuse. Aujourd'hui je suis pas sorti, peut-être qu'il pleut. C'était pas pareil quand on était typeux. Ton ami te snap, mais tu le verras dès qu'il peut. Si tu meurs, t'auras plein de emoji, tête qui pleure. Oh. Chacun son rôle, attiré par le roro comme l'oiseau noir. Mes roses sortent des roseaux de Konoha, anti-héros comme Roro, noiseau rôle. L'ambiance est morose, on est en run, le moteur on runnera. On rodatise des boissons roses aromatisées qu'on rotera avec des relents de mort au rat. Prends ta dose de gélule, tu me feras plus rien gober la faute à tout ce que j'ai lu. Les connes lâchent un com, tu t'es amochi, t'as pris quoi? Emoji couteau, hashtag taspé, nude sur le darknet. Emoji abricot, emoji goutte d'eau, hashtag tarpé. J'ai de cyprine, je t'ai surpris, je t'en supplie, je t'aime, supprime. DJ, photographe, journaliste, modèle. À croire ta bio, tu te réserves un parfait avenir. Graphiste, mannequin, artiste, blogueuse, actrice, menteuse. T'as jamais t'as fait ta vie. DJ, photographe, journaliste, modèle. À croire ta bio, tu te réserves un parfait avenir. Graphiste, mannequin, artiste, blogueuse, actrice, menteuse. T'as jamais t'as fait ta vie. J'ai reconnu ton doigt. Il a dit c'est un trans qui m'a envoyé ça alors que c'est son teuf. Menteur, menteur. J'ai reconnu ta main. C'est la fin des temps. Vraiment, le saloon, c'est un merdier. C'est un grand merdier.